Ce vendredi, à la vie en BD, 15 ans d'enseignement de la bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Une heure pour parler 9e art et cette semaine ce sera une heure également pour parler d'enseignement de la bande dessinée. En 1999 à l'Université du Québec en Outaouais, on a mis sur pied un premier programme de bande dessinée, programme de premier cycle universitaire. Il n'y en a aucun autre au Québec autour justement de cette discipline. Alors qu'est-ce que ça a amené évidemment d'un point de vue régional? Qu'est-ce que ça amène également aux auteurs d'aller chercher cette formation-là? Comment enseigne-t-on la bande dessinée? Est-ce qu'il y a de la recherche qui se fait ou on se concentre sur la création? Donc on porte un regard sur le fonctionnement de ce programme-là, également sur son histoire, parce qu'on s'entend quand ça a été mis en place en 99 et la situation aujourd'hui en 2015 autour du 9e art, eh bien c'est bien différent. Alors, il y a de quoi jaser. On a décidé donc de consacrer l'émission tout entière à cette thématique. Alors, on aura avec nous en entrevue donc le directeur de l'École multidisciplinaire de l'image, Sylvain Lemay, qui est également professeur de bande dessinée, pour nous parler de tout ça, donc au fil de l'heure. Sinon, côté actualité, ben quelques éléments dont il faut parler, qu'il faut mentionner, notamment un nouveau film autour de la bande dessinée. Donc, vraiment, ils sont légion ces temps-ci, ces adaptations ou ces projets d'adaptation. Alors, le dernier qui vient d'arriver, ben c'est Sony Pictures qui a annoncé la semaine dernière avoir fait l'acquisition pour le cinéma des droits de The Sculptor, la dernière bande dessinée de Scott McCloud, à qui l'on doit également l'incontournable BD de l'art invisible. Je fais une parenthèse, si vous voulez en apprendre un peu justement sur la construction BD, il faut lire l'art invisible et je mets des gros accents et des gros soulignements en caractère gros autour de du terme faux d'ailleurs. Pour ce qui est du sculpteur, eh ben la bande dessinée raconte le mythe de Faust revisité à New York. Et pour en attendant d'en savoir un peu plus sur cette adaptation là, on sait que l'album va paraître en France fin mars en version française chez Rue de Sèvres. Donc j'imagine qu'on l'aura au Québec quelques mois plus tard. Sinon, ben on en avait parlé il y a quelques semaines, Naruto s'est terminé et alors que Naruto prépublié dans l'hebdomadaire japonais Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha depuis novembre 99 s'est achevé le 10 novembre 2014. On a appris maintenant par Livre Hebdo que le dernier volume Naruto Uzumaki, paru en février au Japon, s'est écoulé à 874 120 exemplaires durant sa première semaine de vente. C'est énorme. Ça fait de lui le manga le plus vendu pour la première quinzaine de février. 72e album qui regroupe les 10 derniers chapitres des aventures du jeune ninja, écrites et dessinées par Masaki Kishimoto. Alors voilà, on verra maintenant les chiffres pour la version française. On le sait, les mangas, c'est ce qui cartonne le plus en termes de vente, tout azimut quand on parle de bande dessinée actuellement. Autre nouvelle, des nouvelles de Blucht, puisque Tiff et Tondu, les deux amis détectives créés par Fernand Dinard en 1938 dans le journal de Spirou, repris en dessin par Ville en 49, vont revivre sous les crayons de Monsieur Blucht, auteur entre autres de Vitesse moderne et Lune l'envers, et de son frère également au scénario, dans un nouvel album qui sera apparaître dans l'année 2015. Donc 45e et dernier album avait été publié en 1997. Alors, ce serait intéressant de voir ben, quelle reprise, comment reprendra-t-on ce personnage-là maintenant, un autre personnage évidemment mythique, un autre duo mythique de la bande dessinée franco-belge. Alors, Blucht avait dit de ce projet, et j'ouvre les guillemets, « C'est ça la vraie BD, la bande dessinée que l'on aura encore envie de lire dans 20 ou 30 ans, j'espère en tout cas. » Alors ben, on verra maintenant si lui restera dans cette tangente avec sa proposition. Et finalement, vous avez mentionné les auteurs finalistes sur 30 sélectionnés pour le concours Révélation Blog qui avait été organisé par le 42e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Eh bien, ces finalistes ont été départagés. Le thème était « Sauvage » et c'est Mademoiselle Carensac pour « Mais quel est ton but ?» qui a été préféré à Aurélien Fernandez pour « La bête est méchante » et « Bonnet pour Bonnet du forme ». Alors, Mademoiselle Carensac, architecte bordelaise de son vrai nom, Camille Gauthier, va se voir la possibilité d'éditer un projet issu de son blog aux éditions Vroom. Alors ben voilà, donc pour ces petits clins d'œil et maintenant en musique, la formation dont on écoutera quelques petits extraits au fil de l'émission, eh ben c'est Sage GC, tiré de son album 8-Bit Obituaries. On en écoute un premier extrait de Captain. Et voilà, toujours à la vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez réécouter les émissions passées, les entrevues qu'on a réalisées au fil des dernières années, ben c'est possible via lavieenbd.wordpress.com. Et je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Alors, tel que mentionné d'entrée de jeu, ben, l'année dernière, donc c'était le 15e anniversaire de la formation en bande dessinée qui est offerte du côté de l'École multidisciplinaire de l'image, donc l'EMI, à l'Université du Québec en Outaouais. On avait envie d'en parler, on avait envie de porter un regard aussi sur l'évolution de ce programme-là, sur l'enseignement BD, sur différentes questions qu'on a autour de tout ça. Et pour en jaser avec nous, ben, on est en compagnie du professeur de bande dessinée, directeur de l'École multidisciplinaire de l'image, Sylvain Lemay. Bonjour. Bonjour. Alors, ben 2014, donc, le programme de bande dessinée de l'EMI a fêté ses 15 chandelles. Évidemment, c'est pas rien. Est-ce qu'on a l'impression, surtout que c'est toi qui as participé à sa mise en place en 99, oui. Est-ce que tu as l'impression d'avoir franchi un jalon important? Tout à fait. Écoute, 16 ans, honnêtement, au tout début, quand je suis arrivé, j'espérais que ça allait durer, évidemment, 2-3 ans, mais d'être là encore 16 ans après, je suis arrivé en 99. Je me souviens des 10 ans déjà, ça avait été j'avais trouvé ça très gros. Et aux 10 ans, on avait reçu le prix Albert Chartier du Festival de BD de Québec aussi. Ça avait été quelque chose qui m'avait beaucoup touché, ça montrait que le programme était apprécié pas juste à l'intérieur du milieu universitaire, mais aussi par le milieu de la bande dessinée. Mais là, 15 ans, on continue. Moi, visiblement, je suis encore ici jusqu'à ma retraite à 65 ans dans 20 ans. Et si on retourne en 99, qu'est-ce qui avait amené l'Université du Québec en Outaouais à choisir d'ajouter justement cette concentration-là en bande dessinée? Ouais, c'est une bonne question. C'est parce que moi, je faisais mes études de mon doctorat à l'UQAM. Il n'y avait rien qui prédestinait, si on veut, Gatineau à l'époque. Mais c'est une professeure en art visuel, Ginette Deniaux, qui avait des étudiants des années 90 dans les cours de dessin, de peinture, enfin, des étudiants qui avaient une esthétique bande dessinée. Le manga commençait, il y avait ou des plus BD, cartoon. comics. Et elle a fini par leur dire, écoutez, ici, c'est un cours de dessin, on fait de l'art contemporain, si vous voulez faire de bande dessinée, ben allez étudier en bande dessinée. Et les étudiants l'ont regardé, un étudiant il a dit, mais c'est parce que ça n'existe pas un programme en bande dessinée. Et Ginette, c'est pas le genre de personne à qui on dit ces choses-là. Et deux ans plus tard, le programme ouvrait ses portes à bande dessinée. Et en plus, en fait, ce qui est d'autant plus fascinant, c'est que quand on regarde un peu la situation en 99, la bande dessinée, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, c'était pas du tout ce que c'était à la fin des années 70 non plus. On était un peu dans, je dirais, en fait, une reconstruction après un gros passage à vide, entre guillemets, en termes d'intérêt populaire. Écoute, Jacques Sanson a écrit un article en 97 qui s'appelait la bande dessinée québécoise sempiternelle avec le commencement. On avait des périodes d'euphorie, ça retombait. Fin des années 90, c'est la mort de Crow, Safari est encore là. Mais il n'y a pas grand-chose, maison d'édition, il y a 1400 coups qui commencent à avoir un petit catalogue, mais c'est tout. La pastèque va venir 98-99, le programme, mais Michel Rabaghetti, en fait, tout ce qui s'est passé dans les années 2000 pour que la bande dessinée québécoise, à l'époque des années 90, ça allait dans les librairies, puis tu voyais pas de on savait même pas c'était quoi la bande dessinée québécoise, c'était pas disponible, c'était pas vu. Il y avait très peu de à part quelques petits succès aux petites occasions, mais sinon oui, il y avait très peu de choses dans ces années-là, donc c'était tout un pari de bâtir le programme à ce moment-là. Et on a profité, on a participé un peu, mais je pense qu'on a aussi surtout profité de cet élan que la bande dessinée québécoise a eu dans les années 2000. Oui, parce qu'en même temps, j'imagine que le défi en 99, c'était d'un côté de convaincre les gens à l'interne de l'intérêt d'un programme comme ça, autant de convaincre l'externe que ça valait la peine d'investir dans le développement de talent BD, alors que la planète BD était encore à ses balbutiements dans... Tout à fait. En 99, quand je suis arrivé, il y avait très peu d'auteurs qui publiaient pour l'Europe. Thierry Labrosse était un des rares, enfin, fin des années 90. Il y en avait eu Robert Rivard, Julie Doucet, deux, trois auparavant, mais effectivement, à l'interne, ça a été très facile, par contre, à convaincre. Moi, je faisais déjà mon doctorat en études littéraires à l'UQAM. J'ai fait de maîtrise doctorat sur la bande dessinée. Des fois, j'avais l'impression qu'on me disait, c'est bien, amuse-toi avec tes petits comiques, mais fais pas trop de bruit, faut pas trop en parler. Alors, quand je suis arrivé ici, je m'attendais un peu à la même réaction. Et au contraire, j'ai eu un appui très fort de l'université, de mes collègues, dès les débuts. On a parlé de la bande dessinée, de ce programme-là, dans les médias, dans la radio, à la télé. Donc, ça faisait parler de l'université, ça faisait la promotion également. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé dans les premières années à faire connaître le programme. Puis, comme je dis, moi, j'ai été très heureux de recevoir que l'école reçoive le prix Albert Chartier décerné par le Festival de BD de Québec. Parce que ça montrait aussi le travail qu'on a fait ici au niveau universitaire, à l'interne, mais l'implication qu'on a eue dans le milieu pour pas qu'on forme des étudiants, des auteurs de bande dessinée, puis après ça, on les laisse tout seuls. On voulait être en lien avec le milieu. Mais effectivement, les premières années, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, mais ces premières années-là, il y avait tout un travail de défrichage à faire. Et même, j'imagine, un travail de défrichage en termes de structure du programme, d'organisation des cursus. Comment on a procédé un peu pour le construire? Est-ce qu'on a été voir un peu ce qui se faisait ailleurs, du côté de l'Europe? Est-ce qu'on a essayé de bâtir un peu en parallèle, justement, de programmes qui existaient déjà en art visuel, etc.? En parallèle, oui, parce que je ne sais pas si on est allé en Europe. Moi, on a signé des ententes avec Bruxelles, avec Saint-Luc de Bruxelles, j'ai fait des partenariats avec Angoulême aussi, mais je suis pas sûr que les profs à l'époque connaissaient ça. Donc, le programme est né, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y avait déjà un bac en art et design, donc il y avait un tronc commun de cours et les gens faisaient soit leur spécialisation soit en art visuel, soit en design graphique. Donc, on a rajouté une troisième concentration en bande dessinée. Ce qui était plus simple pour faire adopter le programme. Donc, il y avait les cours de dessin, les cours de base qui sont donnés de toute façon à tous les étudiants ici à l'école. Et pour le reste, les gens d'ici ont consulté. Il y avait Podo qui était déjà dans la région, Christian Quesnel aussi. Il y a des gens, moi j'étais à l'UQAM avec Philippe Sauet et Yves Lacroix, Jacques Sanson, je sais bon, qui a donc consulté certaines personnes un peu partout au Québec sur la bande dessinée, mais ça partait de contact vraiment avec le milieu, mais le programme était bien, très bien monté. On a fait très peu de modifications, si on veut. Les cours de dessin, de scénarisation, évidemment, on a gardé ça, cours de découpage graphique, quelques cours techniques d'ancrage, de couleurs, sinon quelques cours théoriques aussi, d'histoire de bande dessinée, d'analyse. On on essaie de former, oui, des auteurs de bande dessinée, mais aussi des gens qui sont aptes à parler de la bande dessinée. Donc, mais quand je suis arrivé, le programme était assez solide en partant, donc ça a aidé aussi à bien démarrer. Et pour donner une idée justement aux gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le programme, j'imagine si on synthétise un peu la structure, donc tu le disais, Sylvain Lemay, première année, c'est le tronc commun, on choisit les spécialités. Dans le deuxième, c'est un peu l'appropriation du médium, donc l'aspect technique, si on peut dire, du médium. Oui, et oui, la troisième année, c'est le projet, on développe une BD en bonne et due. Oui, c'est un projet d'une bande dessinée de 12 à 15 pages, souvent couleur, que les étudiants font imprimer eux-mêmes. Ils doivent remettre 5 copies pour le jury, parce qu'on a toujours un jury de 2 personnes externes. Parce que nous, on travaille avec les étudiants sur le projet, mais moi, je trouve ça important que ce soit des gens de l'extérieur qui lisent le projet, qui n'ont pas participé au processus de création. Donc, on a eu plusieurs journalistes, animateurs de radio, de tout ça, qui ont fait les jurys. Le programme aussi, la modification qu'il y a eu, c'est tous les programmes ici, un peu à l'université, entre autres à l'EMI, c'est que maintenant, auparavant, c'était un bac complet. Maintenant, c'est offert aussi sous la forme de bac ou sous la forme de majeur et mineur. Mmh. Une majeure étant un programme de 2 ans qui se combine à une mineure d'un an. Donc, quelqu'un peut faire la majeure en bande dessinée et compléter son programme avec une mineure en design graphique ou en art visuel ou vice-versa, ou même en sciences sociales, une mineure en histoire ou en communication. Et à travers ça, en fait, j'imagine que la grande question qu'on soulève face à un programme spécialisé en bande dessinée, c'est à quoi ça sert dans la mesure où il y a encore beaucoup d'auteurs BD qui étudient en art pour faire de la BD, qui font du graphisme, puis ensuite qui font de la BD. Alors, c'est quoi un peu le plus que ça donne d'aller chercher justement une spécialisation spécifique à ce médium-là? C'est sûr que ça prend pas un bac pour faire de la BD, ça on n'a jamais prétendu, on a parlé dès les débuts. Ce qu'on offre, c'est la possibilité à des étudiants de passer 3 ans en bande dessinée ou avec des cours complémentaires et tout, mais pas d'étudier justement en graphisme ou d'étudier en art visuel et faire autre chose en espérant faire de la BD plus tard. Donc ici, pendant 3 ans, les étudiants sont avec des professeurs qui enseignent la bande dessinée. Ce sont pour la plupart, il y a moi et Mario Beaulac, on est les 2 professeurs réguliers, mais on a une équipe de chargés de cours très solide, Réal Godbout ici depuis les débuts, Paul Roux, Marc Tessier, eux qui enseignent, donc des gens qui ont de l'expérience, donc ça permet à nos étudiants d'être en contact avec ces professionnels-là, d'être 3 ans avec une cohorte d'autres étudiants qui travaillent en BD, donc il y a une certaine émulation aussi à voir les collègues travailler. Comme je dis, on est proche du milieu aussi, on connaît les éditeurs, on connaît les gens dans le milieu, donc quand nos étudiants sortent, on a des cours, un cours qui s'appelle milieu professionnel, donc on montre aux étudiants aussi comment faire des demandes de bourse, quels sont les organismes subventionnaires, comment présenter son dossier à un éditeur, qui sont les éditeurs, donc il y a une certaine connaissance du milieu aussi que les étudiants peuvent obtenir pendant leurs études. Puis en même temps, ben, comme tu disais, dans le fond, faire de la BD, c'est pas faire de la peinture. Il y a une notion de narration qui est pas la même. Il y a un langage et donc c'est un peu un croisement entre les arts graphiques puis entre les arts littéraires, entre la création littéraire puis la création visuelle. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Nous et donc c'est pas une école de dessin. Enfin, oui, on a des cours sociaux, des gens qui spécialisent en dessin, qui font de la peinture. Mais moi, ce que j'ai toujours dit, la bande dessinée, c'est l'art de raconter une histoire en images. Donc, on a des étudiants qui sont plus faibles du côté de dessin, mais qui arrivent avec un projet de 3e année très très bon, très fort, parce qu'ils savent comment raconter une histoire. Et c'est ça qui est important pour nous. Donc, évidemment, on n'a pas, parce que on disait tantôt, pour le programme, on l'a construit non pas en s'inspirant de ce qui se fait à Saint-Luc ou à Angoulême, de la bonne raison qu'on a déjà pensé essayer de faire quelque chose de ce style-là, mais les étudiants à Angoulême ou à Saint-Luc sont là toute la journée. Ils rentrent à 9 heures le matin, ils ont 3 heures de modèle vivant, ensuite ils ont des cours l'après-midi. Le système français européen est très différent. Nous, c'est le système universitaire, donc 30 cours de 3 crédits, tout est fragmenté. Des cours de 3 heures, donc c'est pas la même structure pour ça. Oui, enfin on en vient à fragmenter un peu les perspectives. Ouais. Dans le fond, un cours de découpage, un cours d'ancrage, couleur. Donc on forme moins des super dessinateurs performants, c'est plus des raconteurs d'histoire et on voit avec évidemment le bagage que les étudiants ont à leur début. Ils ont plusieurs cours de dessin quand même, mais je vois les projets de 3e, je sais passer la journée aujourd'hui à corriger, mais les projets de 3e année. Leur projet d'études et les étudiants à qui j'ai enseigné en première année, je vois l'évolution au niveau du dessin est déjà très forte, très, très, très élevée depuis qu'ils sont entrés. Mais c'est pas une école de dessin, c'est vraiment une école de bande dessinée. En fait, les gens arrivent avec leur bagage déjà, avec leur style, puis l'idée, c'est pas de casser le style pour faire un style uniforme franco-belge, mais plus encourager à se développer. Ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, parce que quand je suis arrivé, on parlait de Saint-Luc, on parlait de certaines écoles européennes, sans nécessairement les nommer, où on imposait un style où, je me souviens plus qui me parlait, qui avait étudié là-bas une session, je pense, et s'il mettait des bulles dans sa bande dessinée, ben, il perdait des points, parce qu'il fallait que ce soit beaucoup plus contemporain. Alors que nous, on n'a pas d'école, si tu regardes les diplômés qui publient par la suite, on a autant dans la science-fiction, l'heroic fantasy, l'inspiration manga que quelqu'un comme Yelis qui publie à la pastèque. Donc on y va avec les forces, les qualités, ce que les gens ont envie de raconter, de faire comme dessin aussi. Évidemment, ils sont ouverts à rencontrer différents styles. Souvent, les étudiants arrivent, ils n'ont lu soit que du manga, soit que du comic, soit que du franco-belge. Donc on essaie de les amener à voir d'autres genres de bande dessinée, d'autres styles, mais sans imposer un style particulier. Donc, on peut pas reconnaître parmi nos diplômés en disant, juste à voir ce qu'ils font, on voit bien qu'ils sortent de l'école de l'EMI. Et en même temps, tu parlais justement de l'histoire de la bande dessinée. J'imagine que le fait justement d'arriver, d'avoir accès à des spécialistes et des gens qui leur présentent, dans le fond, qui leur font découvrir aussi ce qui s'est fait, pourquoi ça s'est fait, et le reste, ça leur permet d'un côté peut-être soit de placer où ils en sont dans leur recherche, de découvrir des nouveaux trucs ou d'ouvrir aussi à des possibilités d'expérimentation en s'inspirant de ce qui a déjà été fait, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été explorées. Oui, tout à fait, et ils sont moins conscients de cette histoire. Donc, le cours d'histoire de la bande dessinée, pour ça, est important. Le cours d'analyse critique aussi. On a un cours en troisième année qui prépare au projet de synthèse qui s'appelle l'esthétique de la bande dessinée. Donc, on essaie de découvrir leur propre esthétique, mais en voyant différentes écoles et de se confronter. On a une excellente bibliothèque ici. On a beaucoup acheté. On a un très gros budget quand on est arrivé. On continue à maintenir. Et la ville de Gatineau a une bibliothèque très fournie en bande dessinée, donc qui est complémentaire. Nous, on a acheté beaucoup de bande dessinée qui se trouve un peu moins dans les bibliothèques. À l'époque, début 2000, toute l'association Fréon, Frémoc, tout ce qui publiait à l'époque, on a tout lapin, donc pour voir l'exploration et tout, mais avec des classiques également et beaucoup d'essais sur la bande dessinée. Et moi, mon bébé aussi là-dedans, c'est on a reçu un don à la bibliothèque. On a tout Spirou depuis 2008. Donc, le journal Spirou de 1938 à aujourd'hui, y compris l'Espiègle au grand cœur qui a été fait pendant 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout est là et moi, j'ai donné... j'étais content d'avoir tout ça, mais ça reste un journal belge, Spirou. J'ai dit, mais la bande dessinée québécoise, moi, j'étudie depuis la BD québécoise depuis 1993 à la maîtrise en études littéraires. Donc, j'avais ramassé beaucoup de choses et c'était dans mon bureau, dans des boîtes. J'avais plus de place pour les mettre. Donc, c'était il y avait juste moi qui pouvais consulter. Et j'ai donné ça à la bibliothèque, donc autour de 2000 documents, je crois, qui ont été donnés. Donc, on a créé, on a fait le lancement l'année dernière d'une BDTech québécoise. Donc, les étudiants sont de plus en plus, ont ici accessible toute l'histoire de la BD québécoise. On a des choses des années 40, 50, 60, 70. Donc, beaucoup cette histoire. Déjà, l'histoire de la BD semble très peu connue parmi nos étudiants. On travaille justement là-dessus, mais la BD québécoise peut-être est encore plus ignorée. Quoique ça commence à changer de plus en plus. On a vu, il y a un magazine Beaux-Arts qui a sorti les 10 classiques de la bande dessinée. Et on a demandé aux étudiants finissants de nommer eux-mêmes quels seraient les 10 chefs-d'œuvre de la bande dessinée. Et donc, on sortait des titres comme ça, et quelqu'un finit par dire, on en sort moins, mais si c'était de la BD québécoise, là, on en connaît plus. Mmh. Alors qu'il y a 15 ans, c'était inimaginable de penser que la BD québécoise serait vue comme ça parmi nos étudiants. Oui, puis en même temps, j'imagine que, évidemment, ça semble être un programme plus axé sur la création, mais il y a quand même une dimension recherche aussi qui existe, et le fait d'avoir accès à ces documents-là, ça peut aussi amener des gens à s'orienter, aussi à creuser, à essayer de défricher un peu le panorama BD québécois, de le comprendre, de l'analyser, de le contextualiser. Ben oui, tout à fait. Et moi, je veux qu'on soit reconnu comme une université de recherche aussi au niveau du programme. Et effectivement, c'est un programme de création, de premier cycle en art. Donc, les étudiants doivent créer, faire une bande dessinée. Mais moi, je viens de la littérature et depuis 2013, on a ouvert une maîtrise, non pas en bande dessinée, mais en pratique des arts et muséologie. Et la pratique des arts, donc, ça demeure une maîtrise en art contemporain, mais le projet peut être fait en bande dessinée. Donc, il y a ça. et avec des plusieurs chercheurs. On a fait une demande de subvention les deux dernières années avec une quinzaine de professeurs qui travaillent sur la bande dessinée partout au Canada. On était dans 5 provinces différentes, je crois. Donc, il y a de plus en plus de chercheurs qui, sans nécessairement enseigner la bande dessinée, mais utilisent la bande dessinée comme objet d'étude à l'université. Et donc, il y a un regroupement de profs qui existe. Et moi, on a créé une plateforme ici qu'on est en train de mettre sur pied pour les chercheurs francophones. Et évidemment, moi, j'aimerais qu'ils se spécialisent un peu en bande dessinée québécoise. Et effectivement, c'est à la disponibilité donc pour nos étudiants, sauf les premiers numéros du Spirou, ça prend une permission spéciale pour consulter. Mais pour nos étudiants, mais quelqu'un de l'Université Laval ou de l'Université de Sherbrooke, de l'UQAM, l'Université de Montréal, qui a la maîtrise au doctorat, veut travailler sur Spirou, sur la bande dessinée des années 50 ou sur la bande dessinée québécoise, mais notre fonds est ici et est à la disponibilité de tous les chercheurs au Québec. Et en même temps, de ton côté aussi, tu parlais justement de creuser, de mieux comprendre ce qui se faisait au Québec. Tu t'intéressais beaucoup, et on en reparlera, à la période justement post-1968, mais présentement, tu creuses un peu, j'ai l'impression, les adaptations de romans des années 30 au Québec, les BD catholiques, les BD traditionnelles, peu l'hiver, en fait, de la BD québécoise pré-68. Parce que ma thèse de doctorat portait sur le printemps de la bande dessinée québécoise 68-75. Donc, en ce moment, j'ai une subvention là-dessus avec un de mes étudiants à la maîtrise, justement. Donc, on travaille sur, d'ici un printemps de la BD québécoise, donc il y a dû avoir un hiver. Donc, j'essaie de regarder ce qui s'est fait pendant cet hiver-là. Donc, on ressort et on essaie d'analyser. En ce moment, là, on se concentre. On va donner deux conférences à Toronto au mois de mai lors d'un colloque sur les adaptations de romans nationalistes des années 30, l'adaptation de l'Appel de la race. Il y a eu 11 romans comme ça, québécois, qui ont été publiés en 1935 et 38 dans des journaux au Québec. Et en même temps, on en avait parlé avec Michel Viau quand il avait sorti son encyclopédie de la BD québécoise, premier tome, et j'avais été personnellement surpris de la quantité de matériel qui a quand même été réalisé dans cette période-là. Tout à fait. Et on en trouve de plus en plus. Je pense qu'en cherchant, on va continuer à en trouver. C'est que c'est pas disponible, c'est pas réédité. Alors qu'en Europe, on va retrouver tous les premiers Tintin, les Blake et Mortimer, c'est constamment réédité. Ici, les contes historiques de la Société Saint-Jean-Baptiste, ces adaptations de romans-là, il y a plein de choses aussi qui n'ont jamais été rééditées, donc qui ne sont pas disponibles, qui sont moins connues. Donc, en fouillant dans les journaux, en fouillant dans les revues, on va continuer, je crois. On a encore, pour les archéologues de bande dessinée, encore... De belles années devant nous. Oui, enfin, on est encore un peu dans l'inventaire. On commence à faire de l'analyse, on peut dire. Oui, oui. Là, on est plus dans l'inventaire. Donc, c'est ça, c'est justement moi où je vais aller plus prendre cet inventaire. Michel Viau a fait un travail incroyable depuis... ça fait 20 ans que je connais Michel. Écoute, avec tout ce qu'il a fait, il y a déjà quelque chose d'énorme de fait d'inventaire et avec des prémices d'analyse aussi. Mais moi, je poursuis avec ces travaux-là de voir justement comment on peut remettre... peut-être au cours du jour, et analyser et voir un peu, comprendre ce qui s'est passé et comprendre quel était ce genre de bande dessinée à l'époque en relation avec ce qui se faisait aussi en Europe et aux États-Unis. Les années 30-50, c'est les années où la BD américaine et la BD franco-belge ont tous les deux connu un boom incroyable. Et ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est beaucoup bâti là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Québec? Qu'est-ce qu'on avait à cette même époque-là? Et toujours avec le défi d'amener les gens vers la bande dessinée quand on s'intéresse aussi aux études littéraires, parce que, en fait, je regarde au cégep, il y a pas de BD qui est au cursus obligatoire. À l'université, j'imagine que c'est pas vraiment le cas non plus, donc ça devient pour d'éventuels chercheurs pas nécessairement un chemin qui est naturel. On s'adresse plutôt à des passionnés qui ont envie de défricher et de forcer éventuellement leurs enseignants à intégrer ce médium-là dans la recherche littéraire au sens large. Oui, tout à fait, parce que l'étude de la bande dessinée là, au cégep, au secondaire, tout ça, il y en a très peu. Et ce sont quelques profs qui, parfois, vont en mettre. Souvent, on met la bande dessinée, mais la bande dessinée sert plus de documents. On met des alix pour parler de l'histoire romaine et tout. Il reste que parfois, c'est étudié. Moi, j'ai, pour en finir avec novembre, que j'ai publié avec André Saint-Georges, a été au programme pendant 5 sessions de suite au cégep du Vieux-Montréal, dans un cours de littérature où les professeurs mettaient... c'était ce livre-là à l'étude, donc ça se fait. C'était Sylvain Lemay, donc je rappelle, t'es professeur donc de bande dessinée, t'es directeur de l'école multidisciplinaire de l'image EMI, donc du côté de l'Université du Québec en Outaouais. Tu restes avec nous, on prend une courte pause, après ça on poursuit donc cet échange, toujours ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires. Nous sommes fiers d'accueillir ce samedi Now Chan, un groupe qui nous vient de l'autre côté de l'océan, en tournée canadienne et qui s'arrête chez nous. T'es big, les moelleux. Ce samedi, 21h, au Triplex Suspendu, la nouvelle scène culturelle à Québec. Monono Aware, une expression japonaise sans équivalent français, qui décrit la poignante sensation du temps qui passe, plus précisément, apprécie la tristesse de la vie. Ça va être aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça? Parce que je me sens revivre. C'est le soleil qui perce à travers les nuages? Ouais, ça pue la liberté. T'as raison. C'est une belle journée pour partir à l'aventure. Une mise en scène de Marie-Josée Bastien et d'Harold Réaume, une création en complicité avec les étudiants. Du 22 février au 1er mars au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Pour information, 643-9833. Je réalisais que l'identité qu'on a ou ce qu'on est, on a besoin de se battre pour ça. Il faut absolument lutter, persévérer pour se tenir soi. Cette lutte-là ne doit pas se faire contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est une lutte pour soi. Pas une lutte contre quelqu'un. Alors j'apprends à me tenir debout. J'apprends à me tenir debout. David Portelance et ses chansons empreintes d'humanité à Sentier Secret, mardi 24 février à 10h. 89.1. Vous êtes toujours au 89.1 CKRL, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. On poursuit donc dans cette émission consacrée au 9e art, la vie en BD. Et on poursuit également autour du 15e anniversaire que soulignait l'an dernier, donc l'École multidisciplinaire de l'image de l'Université du Québec en Outaouais. Et on poursuit cette discussion avec son directeur, Sylvain Lemay. Et Sylvain, on parlait tout à l'heure en fait du printemps de la BD québécoise auquel tu t'es intéressé, donc oui. 1968-75, dans ta thèse doctorale. On a parlé aussi de l'hiver qui l'a précédé. Est-ce qu'on a l'impression, quand on regarde un peu l'état des lieux actuellement, et on parlait un peu au début de l'entretien de cette résurgence que connaît la BD aujourd'hui, qu'on est un peu dans un deuxième printemps? Deuxième printemps, oui. J'avais publié un texte aussi où j'avais écrit une cinquième saison pour la bande dessinée. Pour sortir, je pense que la différence entre les autres, ce qu'on peut appeler de printemps, d'hiver ou de ce qui s'est passé dans les 80-90, j'en reviens encore au texte de Jacques Sanson, le titre était tellement éloquent à l'époque, « Sempiternel le commencement », c'est ce que je ne constate plus depuis les débuts des années 2000, c'est qu'on bâtit sur quelque chose, on continue de bâtir sur ce qui c'était. Il y a des nouvelles générations qui reviennent, mais les anciennes sont toujours là, les livres sont de plus en plus disponibles, demeurent disponibles plus longtemps, sont visibles, les médias s'intéressent à la bande dessinée, donc on n'a pas besoin de recommencer comme on l'avait, j'ai l'impression, jusqu'à la fin des années 90, mais on continue de bâtir sur ce qui est là, sur ce qu'on a devant nous, ce qu'on a monté. Donc c'est plus facile d'aller plus loin que de toujours avoir à recommencer. Oui, en fait, c'est un peu l'idée que les auteurs aujourd'hui ont plus de moyens de se développer, de se diffuser comparativement aux années 80-90. Oui, pour les auteurs québécois, j'en ai parlé 20 tantôt, mais c'est vrai qu'au début du programme, si je demandais de nommer aux aux étudiants de nommer les auteurs québécois qu'ils connaissaient, je pense que le seul qui allait nommer, c'est Réal Godbout parce qu'il avait comme prof, et je suis même pas sûr qu'il avait connu s'il y avait Lucros, Red Ketchup et Michel Risque. Alors qu'aujourd'hui, on demande aux étudiants de finir finissant de faire une recherche sur un album, et je pense que 30 à 40 % des choix d'albums cette année, ce sont des auteurs québécois. Oui. Quelqu'un a choisi un auteur québécois alors que c'était tout à fait impensable il y a 15 ans. Ce sont des jeunes qui sont nés aussi, par le trop, mais nos premiers étaient nés fin des années 70-80. Aujourd'hui, on est en 95, ça veut dire qu'on va, les étudiants qu'on va accepter cette année à l'université sont nés en 1996. Alors, eux n'ont pas connu ces périodes de découragement que la bande dessinée québécoise a traversé il y a plusieurs époques. En fait, pour eux, Mécanique Générale, la pastèque... La pastèque a toujours existé. Donc, à partir de là, c'est autre chose. Mécanique, c'est la même chose, 400 coups. Donc, effectivement, ça donne une vision, un regard totalement différent. Et côté programme, en fait, pour se situer, on parle d'à peu près quoi, 15, 20 étudiants qui obtiennent un diplôme. Si je me trompe pas, j'étais tombé sur un 10 à 15% qui allaient publier des albums à la fin de leur formation? C'est ce qu'on calcule après ou qui sont actifs dans le milieu de la bande dessinée. Les chiffres, c'est autour entre 12 et 20 chaque année qui s'inscrivent. Les diplômés, ça peut varier entre 5 et 15 dépendamment des années, parce que comme chaque programme, certains quittent. Par la suite, on parle de 10 à 15% de nos diplômés qui sont toujours actifs, donc qui ont publié des albums, des projets dans des revues. Je pense à quelqu'un avait fait, on a des étudiants qui ont fait des strips pour le projet Éléphant sur le cinéma québécois. Donc c'est pas un album, mais sur le site pendant 2 ans, donc ils sont quand même actifs. 10 à 15%, ce sont les mêmes chiffres que pour d'autres programmes en art visuel ou en création, et ce sont aussi les mêmes chiffres pour l'université CECA de Kyoto, que j'avais visité avec des étudiants en 2009, qui ont un programme de bande dessinée depuis 2000, donc l'année, ils ont ouvert l'année après nous, et ce sont les mêmes chiffres. Aussi, calcul que 15 % de leurs étudiants vont travailler dans le milieu de la bande dessinée, du manga. Effectivement, la différence, par contre, évidemment, c'est qu'eux, ils ont des studios, et en fait, les tirages ne sont pas ce qu'ils sont chez nous, mais les chiffres sont sensiblement les mêmes que chez nous. Oui, puis en fait, comme c'est le cas dans beaucoup de formations à caractère artistique, il y a une notion de persévérance, il y a une capacité d'autopromotion, il y a le talent, évidemment, ouais. mais il y a beaucoup de facteurs qui vont amener, même des facteurs temporels aussi, qui vont amener quelqu'un à réussir à faire sa place. Oui, ça, tout à fait. Ça, c'est pas un diplôme qui te permet, c'est pas un permis d'exercer la bande dessinée. Donc, on a beaucoup de projets ici, les revues qu'on publie, le Plan B, le Scribe au début, le Bunker maintenant, le projet depuis Marc-Olivier Lavertu qu'on remet à chaque année, un auteur québécois, on monte des expositions, il y a le rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau ici, là j'ai des étudiants qui veulent partir à Québec pour le Festival de BD de Québec l'année prochaine, à Montréal aussi. Donc, il y a beaucoup d'activités parascolaires, il y a beaucoup des voyages au Japon, on en a fait 2 jusqu'à maintenant. Donc, les étudiants s'impliquent, c'est vraiment ceux que je vois absolument qui s'impliquent le plus lors de leur passage ici, que je vois par la suite continuer à s'impliquer dans le milieu de la bande dessinée. Oui, puis après ça, il y a quand même un panorama de choses outre les albums. En fait, il y a des travaux spécifiques, il y a l'ancrage, la couleur, il y a l'illustration, ouais. L'enseignement, la scénarisation, le travail critique aussi, la recherche. Oui, il y en a plusieurs qui travaillent aussi dans le jeu vidéo. Évidemment, c'est pas nous, on ne forme pas en jeu vidéo, mais qui ont complété une formation, oui, qui ont continué. Mais j'en ai aussi, on leur demande pourquoi vous étudiez en bande dessinée. Il y en a qui viennent étudier chez nous, mais qui n'ont pas, ils viennent étudier pour avoir un bac, avoir leur diplôme, terminer quelque chose, mais qui n'ont pas l'intention de faire la bande dessinée par la suite. Et on leur demande dès le début, à la fin, certains peuvent voir, ils vont continuer le bac et voient que après 3 ans, l'effort que parce que c'est les études. Toujours le discours à la fin d'année, vous terminez votre bac, mais vous n'avez rien terminé, vous ne faites que commencer. Vous allez, si vous voulez faire de la bande dessinée, on vous a donné des outils, on vous a donné des conseils, on est toujours là pour vous suivre, mais le travail, si vous voulez vraiment faire de la bande dessinée, le travail commence pour vrai et à ce moment-là. Et en même temps, d'ailleurs, c'est un point qui est intéressant aussi, si on le considère, j'ai l'impression en fait que de plus en plus, dans le contexte universitaire, notamment dans des programmes justement plus artistiques, on donne des outils, comme tu disais. Donc, on apprend aux gens aussi à apprendre. Donc, ce qui fait que s'ils persistent dans le métier, ben qu'après 2 ans, 3 ans, ils reviennent avec un album et que ça soit complètement différent de ce qu'ils avaient fait en fin de bac. Faut qu'ils continuent à apprendre, à explorer, à évoluer. Tout à fait. C'est ça les études. Le but des études, c'est pas de gaver quelqu'un, mais c'est de lui apprendre à avoir faim, lui apprendre à aller chercher sa nourriture et à évoluer. Là, on travaille sur des étudiants avec le projet de fin d'études et j'ai fait un speech dans le cours il y a peut-être 2 semaines en disant, c'est sûr que vous voyez ça comme le projet de votre vie. Vous allez, ça conclut 3 ans d'études, un investissement incroyable, mais Pour le moment, ce qu'on veut avec cet album-là, c'est que vous nous prouviez que vous êtes capable de raconter une histoire en bande dessinée, que vous maîtrisez la narration graphique, que vous êtes capable de réaliser. Mais par la suite, ça va simplement vous servir de base pour continuer à apprendre et aller chercher et évoluer et faire des choses. On le voit, je pense à Jean-Sébastien Bérubé qui prépare son projet sur le Tibet, qui a quand même des liens avec ce qu'il faisait ici, mais qui est différent qui a évolué. Iris aussi, en fait, tous les diplômés ne peuvent pas, c'est pas tout cuit dans le bec une fois qu'ils ont terminé d'ici, au contraire. Surtout que les processus de création avec lesquels on travaille avec les étudiants, on les suit beaucoup, mais c'est ce que j'essaie de faire dans le dernier cours, justement, quand ils font leur projet, c'est de développer leur autonomie. Parce que on peut plus, après ça, ils peuvent plus. Ils ont plus toujours un prof derrière eux pour corriger leurs erreurs, pour être capables de voir par eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire. Mais vivre la bande dessinée au Québec, c'est un combat. Donc, ce sont des gens qui doivent être affamés, qui ont envie d'en faire pour pouvoir réussir. Oui, en fait, soit on rajoute de l'illustration, du graphisme, des éléments en parallèle, ou sinon on réussit justement à aller cogner à la porte du côté de l'Europe, et là, on réussit à faire une place de ce côté-là. Je pense que c'est simplement publiant au Québec, ça devient difficile de faire ça à temps plein. Ben oui. Et j'imagine, en fait, ces genres de situations aussi, ces genres de programmes. Je pense que j'étais tombé sur une entrevue où tu disais, ben, dans les premières semaines, on leur explique comment ça marche et on met à l'ordre les attentes pour éviter justement qu'il y ait des surenchères, mais qu'il n'y a personne qui a abandonné non plus le programme après ce speech-là. C'est ça, il y en a toujours, mais pas la semaine où on leur explique dans les premiers temps. Effectivement, ça ne se rue pas pour abandonner. Mais je me sens, ayant été au départ avec un programme en bande dessinée qui n'existait pas, on était le seul, et comme on le dit encore, 2002-2003, les premiers finissants, la BD québécoise, c'est un peu encore le désert, ça se construisait. Donc je me suis toujours senti une certaine responsabilité sociale à dire oui, on va vous former en bande dessinée, vous allez pouvoir terminer avec un bac, un diplôme universitaire, mais il n'y a pas un emploi à 100 000 $ qui vous attend en sortant, il y a beaucoup de travail, donc je crois que c'est ça, comme tu dis, les attentes en disant, ben là, une fois que je sors d'ici, je cogne chez Marvel, puis m'engage immédiatement pour reprendre Batman, mais donc s'il faut DC, mais enfin, il faut justement contrer les attentes et expliquer qu'est-ce que le programme peut leur apporter. Et j'imagine que comme formateur, justement, le fait par après d'aller dans un festival, d'aller dans un salon du livre, de voir des finissants avec leurs produits, avec leur album, avec leur réussite au bout du compte, ça doit aussi être extrêmement satisfaisant pour toi. Ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai là. Quand je vois quand un diplômé publie un album, un contrat, il y a des concours comme Front Foi, on en a plusieurs il y avait le concours Hachette aussi, on a toujours plusieurs. Oui, c'est effectivement de voir que qu'il y en a qui continuent à persévérer et qui réussissent et qui ont ce qu'on leur a apporté à quelque chose. Je pense que l'enseignement, c'est aussi ça, de voir qu'on peut faire une différence dans la vie de nos étudiants, c'est incroyable. Et le retour que nous rapportent quand ils ont des succès, ben c'est très plaisant. Et on le fait en bande dessinée, on forme des gens dans la bande dessinée qui font des albums, mais il y a d'autres choses aussi. Je veux dire, il y a le festival de Shawinigan qui vient d'avoir. J'ai une étudiante, une diplômée qui a travaillé aussi sur le festival de Shawinigan. À Sherbrooke aussi, il y a eu un festival. Donc, ce sont je vois des diplômés un peu partout dans les librairies qui conseillent dans les bibliothèques, les librairies, qui achètent des bandes dessinées, qui conseillent les acheteurs pour la bande dessinée. Donc, de voir des gens comme ça qui réussissent, ça fait toujours plaisir. Et Sylvain Lemay, une statistique intéressante sur laquelle je suis tombé, c'est que du côté des programmes à l'École multidisciplinaire de l'image, j'ai une majorité de filles qui étudient la bande dessinée. Je pense que c'est pratiquement 70%. On a sorti statistique pour Françoise Thériault, une revue féministe. Donc oui, effectivement, on a toujours associé la bande dessinée à un univers de gars. Et c'est une des communications que je vais faire à Toronto avec mon étudiant au mois de mai. On essaie de voir pourquoi autant de filles s'intéressent à la bande dessinée. Une hypothèse simple, c'est que c'est évidemment l'arrivée du manga a permis d'aller chercher un public qu'on n'avait peut-être pas avec la bande dessinée franco-belge traditionnelle. Blake et Mortimer plaît beaucoup moins aux filles ou en général, et la BD américaine aussi. Donc il y a ça. Mais effectivement, et très rapidement, on l'a vu, et je crois qu'au dernier chiffre officiel, on a parmi pas nécessairement les diplômés, parce qu'on a des gens qui finissent leur projet de fin d'études, mais qu'il leur reste un cours ou deux. Enfin, c'est plus difficile d'aller chercher vraiment les diplômés, mais avec le catalogue des finissants, donc on sait ceux qui ont terminé leur projet synthèse, qui ont fait un album à la fin de leurs 3 ans. Et on est à 49.6, 50.4, là, c'est quasiment un référendum, mais c'est où il y a autant de filles que de garçons qui ont terminé le programme. Donc, en fait, c'est un peu la roue qui tourne, en fait, comme tu le disais. Donc, il y a plus d'héroïnes, donc il y a plus de lectrices. Il y a plus d'électrices, donc il y a plus d'auteurs. Il y a plus d'auteurs, donc il y a plus d'héroïnes. Et... Tout à fait, ouais, ça... Ce sont des grandes lectrices, ce sont des gens qui font pas nécessairement assez de manga, mais qui on voit beaucoup semblent influencés par le manga. Là, j'ai une proportion plus élevée que parmi les garçons, mais le milieu, on voit dans les lancements, on les voit dans les festivals, une clientèle féminine très grande pour la bande dessinée. Donc c'est un peu, on met ça dans la liste des choses qui ont évolué beaucoup, j'imagine, oui. Au fil des 15 dernières années, autant le milieu qui a vraiment pris un envol, donc il y a plus de lecteurs, il y a plus de lectrices, d'auteurs, de filles intéressées par la bande dessinée. Et j'imagine qu'il y a d'autres constats comme ça qu'on peut faire en regardant les 15 ans de formation à l'EMI. Oui, le passage, évidemment, de plus de filles, la façon de... Le développement de la BD québécoise a été tellement grand que au niveau des éditeurs, la connaissance, je repense à ça, j'en parlais tantôt et j'ai réfléchi, mais c'est tellement deux mondes différents entre 99 et 2015 où tout ce qui s'est passé, donc. Puis même au niveau de la région aussi, j'imagine, dans la mesure où au fil des années, la région de Gatineau, avec les rendez-vous, avec les événements, avec l'école, c'est devenu un pôle important en termes d'animation BD pour la province. Tout à fait. Et ça, j'en suis très fier, mais j'ai beaucoup travaillé aussi. Mais le festival, c'est l'ancienne ville de Gatineau qui avait lancé le festival. On m'a approché la première année, mais on existe depuis 2000 avec le festival. Le programme, on a des auteurs, des gens qui restent dans la région. Gauvin est un imprimeur aussi, donc il y a vraiment un pôle, c'est devenu un pôle très grand qui est très de plus en plus reconnu. On a eu l'exemple de l'émission Forme Diaz à Télé-Québec qui a voulu faire un spécial sur l'Outaouais culturel. Et on a un segment, je pense, de 12 à 15 minutes sur le programme en bande dessinée, sur la bande dessinée dans l'Outaouais. Donc ça, c'est un visage qui a beaucoup changé dans la région. Mais dès que je suis arrivé, bon, il y avait déjà la bande dessinée connue avec le travail que Paul Héroux avait beaucoup travaillé avec les médias, avec les bibliothèques et tout. Donc il y avait déjà semé beaucoup quand même dans la région. Mais les médias ont toujours participé. Une des premières revues qu'on a lancées, le Scribe, j'ai montré aux étudiants comment faire un communiqué de presse. Et on l'a envoyé à tous les journalistes, à tous les... Mais moi, je venais de Montréal, en fait, je m'attendais pas, mais on a reçu un téléphone de Radio-Canada qui voulait faire le téléjournal en direct au lancement de la revue. Et là, je disais, c'est de la bande dessinée. Deux, c'est un projet étudiant. Il dit, oui, mais on est intéressé à être là, on veut en parler, c'est le fun de ce que vous faites. Donc, pour ça, pour cette participation des médias, du festival, de l'école ici, on a vraiment créé un pôle, quelque chose de très important pour la bande dessinée. Et ça, j'en suis très fier aussi. Et si on regarde aussi les 15 années en termes de formation, j'imagine que le programme aussi a évolué, s'est affiné, que la manière de passer l'information, d'apprendre aux étudiants à apprendre justement, à les outiller, ça a évolué aussi au fil des années. Oui, beaucoup. Mais là, on se réunit, la plupart des profs et des chargés de cours à Montréal cet été pour en discuter pendant un peu en marge du festival de bande dessinée de Montréal. Mais effectivement, on a tout créé. On avait il y avait des cours de bande dessinée dans certaines universités, des cours d'analyse ou des cours d'histoire, de lecture, comme il y a lecture de films, disons, en littérature, mais d'enseigner la bande dessinée, d'enseigner l'histoire, ça peut toujours aller, mais là, il fallait voir comment monter un cours universitaire en découpage graphique, en entamer les perspectives. On prenait des cours de dessin, mais en scénarisation, adapté à la bande dessinée, les cours techniques et tout. Donc, effectivement, on a travaillé de concert avec les profs, les chargés de cours que j'ai engagés, et on essaie de se voir, on l'avait fait peut-être 4-5 ans, et on leur voit de se remettre, discuter ensemble et de voir, bon, on est une petite école, on se voit souvent, là, mais vraiment de faire d'états généraux quand même de temps en temps sur la formation pour pas qu'on se tente qu'on répète toujours la même chose. Et on a un certain succès depuis 15 ans, mais si on était innovateur il y a 15 ans, si on continue avec la même chose, on l'est plus. Donc on doit continuer constamment à nous remettre en question et à trouver de nouvelles façons de procéder. Et évidemment, il y a beaucoup de d'auteurs qui dessinent bien, il y en a beaucoup qui scénarisent bien, mais c'est pas nécessairement tout le monde non plus qui est un bon passeur. Donc, qu'est-ce qui fait, en fait, les qualités peut-être d'un bon professeur, qu'un auteur va réussir justement à bien faire cette transition-là? La qualité d'un professeur, c'est l'ouverture, c'est d'être... on n'est pas là pour développer nos goûts. On faut travailler avec les forces des étudiants, donc de respecter ce qu'ils ont fait. Et on a un certain bagage de connaissances. On est tous, on a tous beaucoup lu de bandes dessinées, mais on doit être capable de ne pas se cantonner à un seul genre de bande dessinée, être capable d'aller chercher les qualités chez chacun. Les défauts, souvent, on les voit facilement. On peut tomber dessus, mais d'essayer de regarder dans les productions, d'accompagner les étudiants et vraiment d'aller chercher, trouver leurs forces. Comme tu dis, certains, tu le vois très bien, après 2-3 ans, ils ont un très bon dessin, mais la façon de raconter l'histoire, c'est ça tient pas debout et après 3 ans, tu vois que ça n'a pas fonctionné. Donc, l'amener plus vers le dessin par la suite ou trouver un scénariste ou quelque chose. Nous, on leur montre, on forme des auteurs complets. Le projet de fin d'études, ils doivent le faire entièrement tout seul, mais par la suite, on voit que certains ont certaines qualités plus grandes en scénarisation ou en dessin. Faut essayer de voir pour chacun. C'est plus un rôle de transmission de connaissances, mais surtout un rôle d'accompagnateur avec les étudiants. Et du côté de l'école multidisciplinaire de l'image, il n'y a pas que la BD, on le disait au départ, donc il y a le tronc commun. Donc, ce qui fait que les gens qui étudient en BD côtoient d'autres qui étudient en art visuel, en design graphique, en muséologie. Oui. J'imagine qu'il y a une richesse là-dedans aussi. Il y a une richesse. Ils ont des cours en peinture, en sculpture, dépendamment s'ils font une mineure en art visuel ou en tout, mais où ils côtoient des étudiants qui font de la peinture, de la sculpture, du vidéo, de la photo, de la mise en page, du graphisme. Donc, et on a muséologie aussi chez nous. Donc, ces quatre concentrations-là, il y a des cours communs, de tronc commun. Il y a un cours de projet d'édition interdisciplinaire où ils font. Donc, on va chercher, on met les étudiants en équipe et voir justement les forces des étudiants BD en illustration, si on veut, avec les forces des étudiants en design graphique en mise en page pour faire des projets. Et on essaie qu'il y ait une certaine ouverture pour chacun. On est multidisciplinaire. On essaie aussi d'être interdisciplinaire, de voir qu'il y a des passages entre les étudiants, au moins de transfert de connaissances et d'ouverture d'esprit. Un peu comme avec justement aussi les échanges avec l'Institut Saint-Luc, avec Bordeaux, etc. Donc, oui, ça fait des années que ça existe, je ne sais plus, c'est 2007-2008, donc à chaque année, on a 2 étudiants qui peuvent partir à Bordeaux et 2 étudiants qui peuvent partir à Saint-Luc, et nous, on reçoit des étudiants européens, on en reçoit de plus en plus aussi. Donc ça aussi, c'est une richesse. On en a certains qui viennent juste un an, une session, et qui repartent et qui... En fait, pour les étudiants français que j'ai, je semble très bien, très heureux de leur passage chez nous. Oui, en fait, d'éviter d'évoluer en huis clos, des fois de sortir de son contexte ou de rencontrer des gens qui viennent d'un autre contexte, d'autres formations, on va en chercher aussi quelque chose de différent plutôt que d'évoluer aussi constamment, toujours avec le même groupe de personnes. Tout à fait, le vase clos, c'est jamais la meilleure façon d'évoluer. Et en terminant, Sylvain Lemay, on le disait, donc en 1999, donc tu as participé à la mise en place donc ce programme bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais. Après 15 ans et en route vers les 15 prochaines années, comment t'espères peut-être l'évolution de ce programme-là? On continue à bâtir sur ce qu'on a déjà bâti. Moi, ce qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est la recherche. On a développé de plus en plus le pôle recherche ici à l'Université. Sinon, je pense qu'on a fait un bon travail jusqu'ici. Je veux continuer à poursuivre avec les étudiants. La richesse d'un programme universitaire, pour moi, ce sont les étudiants aussi, les diplômés qui réussissent. Donc, l'investissement va toujours se faire en termes de temps, d'énergie envers les étudiants et continuer avec les profs de discuter, que nous, on s'ouvre à de nouveaux horizons pour, comme je dis, on était innovateurs en 99 en ouvrant le programme. Je veux qu'en 2020, on soit encore... reconnu comme innovateur et non pas comme sur la fin de lancée. Mais Sylvain Lemay, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Ça me fait plaisir, ça passe vite finalement. Oh oui, à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, je rappelle, donc, on échangeait avec Sylvain Lemay, donc, qui est professeur de bande dessinée, qui est directeur de l'École multidisciplinaire de l'image, donc l'EMI, du côté de l'Université du Québec en Outaouais. We'll be right back. un autre petit extrait donc de l'album A Bit Obituaries de Sage GC, toujours sur les ondes du 89.1. En terminant, petite mention, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec a annoncé ses premiers invités, quatre invités internationaux qui seront de l'édition 2014-2015 qui aura lieu du 8 au 12 avril prochain. Alors, je vous mentionne rapidement, on parle de l'auteur français Emmanuel Lepage, à qui France Info a donné un peu plus tôt cette année son prix BD d'actualité de reportage pour son La Lune est blanche chez Futuropolis. On parle également donc de Tom Gold, britannique, auteur du fort sympathique Vous êtes tous jaloux de mon jetpack chez Alto, du tout aussi sympathique Goliath chez l'Association. Bien hâte de rencontrer d'ailleurs cet auteur. Les deux dernières publications qu'il a faites sont sur mes listes personnelles de coup de cœur 2014-2015. Alors, bien hâte de voir qu'est-ce qu'il a à en dire, évidemment. Autre acteur incontournable de la BD qui s'amène à Québec, l'Argentin Eduardo Risso. Les amoureux de la scène comics le connaissent bien pour sa série 100 Bullets. Alors, une série qui s'est imposée, évidemment, au fil des tomes comme une lecture incontournable. Et en bonus, le dessinateur est fort talentueux. C'est un véritable charme que de découvrir ses pages, sont très sombres, ses ancrages. Et sinon, dernier nom, quatrième, qui a été dévoilé par l'équipe du festival, c'est le Belge Olivier Granson, à qui l'on doit notamment la série Niklos Koda, scénarisée par Jean Dufault au Lombard, ou encore La Femme Accident avec Denis Lapierre chez Air Libre, qui a célébré donc l'année dernière, d'ailleurs, ses 25 ans de carrière. Je connaissais pas énormément, farfouillé un peu, et on le décrit comme étant une plume qui n'a cessé d'évoluer. On parle aussi de lui comme en fait vraiment un artiste qui s'est affiné au fil des années. Il a offert récemment d'ailleurs deux tomes de La Douceur de l'Enfer également au Lombard. Et sinon, côté invité québécois, on parle notamment de Jeff de Bach, d'Iris, d'Yves Pelletier et de David Gauthier qui ont confirmé leur participation donc au festival. On annonce 120 auteurs cette année, alors il y aura sûrement beaucoup d'autres noms qui se rajouteront. Alors voilà, c'était Raymond Poirier au micro. Je vous souhaite une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL et nous on se dit à la semaine prochaine.